t'aime comme un amour. Je t'aime comme un amour. Je t'aime comme un amour. Je t'aime comme un amour. Je t'aime comme un amour. Y'a plus grand chose à fêter sans mon vélo dans le secteur. Les cités sont souvent sectaires. Ce matin le temps m'a plus qu'affecté. J'ai fini mon verre, ce soir je suis trop pété. Elle me dit souvent je t'aime, je lui demande souvent de me le répéter. Ah non, ce soir je la wet, je m'en fous de ses seins. Je me réveille, je regarde ses seins. Je lui dis que j'arrête la drogue, elle me dit ouais c'est ça. Ce soir j'ai des larmes, oui ce soir il pleut. Donne pas d'RDV, j'irai plus. La première fois que j'ai vu le mal, la première fois que j'ai vu mon père et pleu. Je traînais dehors et méché. Oui j'ai le morbide, j'ai ça dans les gènes. Je suis avec 2-3 poisons sur la vie. Oui je sais qu'on est jeune. J'ai mal depuis que je suis né. Elle a cocaïne au nez. Regarde comment on vit. Regarde comment on est. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Mon frérot, la vie va vite, je te jure c'est trop, je claque ma thune, je suis différent, je suis pas comme eux, je suis du bois, j'en fume, je me sens humain, je suis sur Paris, Natchi, je suis dans les dés. Elle me dit souvent qu'elle a mal et qu'elle a peur quand j'essaye de l'aider. J'aime quand on s'échappe, on se regarde, avec toi me fait regard. Bébé c'est pas toi le problème, je me sens seul comme mon père, tu sais toi qui me regarde. J'ai plus rien à perdre, trop de choses à montrer. Si tu veux, vas-y manque-toi. Quand je dis je t'aime, tu sais bébé. J'aime plus le mot que toi. Elle se regarde dans le miroir. On se parle en vrai, elle se parle à elle-même. Elle me dit bébé aide-moi. J'étais tellement content qu'elle m'aime. Je sais pour toi la vie c'est triste. Y'a des fois je pouvais plus parler, la vie me prenait les tripes. J'ai mal depuis que je suis né. Elle a cocaïne au nez. Regarde comment on vit. Regarde comment on est. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour. Je t'aime encore mon amour, tu sais. Je t'aime encore mon amour, tu sais.